troisième partie, chapitre 2, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 2, suite des réflexions nécessaires sur le choix des vertus. Saint Augustin dit excellemment bien que plusieurs personnes, dans les commencements de la dévotion, font des choses qu'on blâmerait si l'on en jugeait par les règles exactes de la perfection, et dont, cependant, on les loue, parce qu'on les regarde en elles comme les présages et les dispositions d'une grande vertu. C'est par cette raison que la crainte basse et grossière, laquelle produit des scrupules excessifs dans l'âme de ceux qui sortent des voies du péché, est considérée comme une vertu et comme un présage certain d'une parfaite pureté de conscience. Mais la même crainte serait blâmable en ceux qui sont déjà fort avancés et dont le cœur doit être réglé par la charité qui en bannit peu à peu la crainte servile. La direction de Saint Bernard était au commencement d'une rigueur et d'une dureté extrême pour ceux qui se mettaient sous sa conduite, car il leur déclarait d'abord qu'il fallait quitter le corps et ne venir à lui qu'avec le seul esprit. Entendant leur confession, il marquait d'une manière vive et sévère l'horreur que lui faisaient leurs défauts, pour petits qu'ils fussent. En un mot, il troublait et affligeait si fort l'âme de ces pauvres novices dans la perfection, qu'à force de les y porter, il les en éloignait, et ils perdaient cœur et haleine, comme l'on dit, en se voyant pousser si vivement, semblable à des hommes que l'on presse de monter à la hâte une montagne fort escarpée. Vous voyez, Philothée, c'était le zèle très ardent d'une parfaite pureté qui faisait prendre cette méthode à ce grand saint. Et ce zèle était en lui une grande vertu, mais une vertu qui ne laissait pas d'avoir quelque chose de répréhensible. Aussi Dieu l'en corrigea-t-il par lui-même dans une merveilleuse apparition, répandant en son âme un esprit doux et miséricordieux, charitable et tendre, de manière que le saint condamna cette sévère exactitude, car il eut toujours de la douceur et de la condescendance pour ceux qu'il dirigeait, et se fit avec beaucoup de suavité tout à tous, afin de les gagner tous à Jésus-Christ. Saint Jérôme, qui a écrit la vie de sainte Paul, sa chère fille, y remarque trois sortes d'excès. L'un d'une austérité immodérée, l'autre d'une grande opiniâtreté à préférer en cela sa pensée au sentiment de saint Épiphane, son évêque, et le troisième d'une tristesse démesurée qui l'a mis plusieurs fois en danger de mourir elle-même à la mort de ses enfants et de son mari. Et puis ce père s'écrie « Mais quoi, l'on dira que je laisse les louanges de cette sainte pour lui reprocher ses imperfections et ses défauts. Non, j'atteste Jésus-Christ qu'elle l'a servi comme je veux le servir, que je ne m'éloigne nullement de la vérité ni de part ni d'autre, disant simplement en chrétien ce qu'elle a été comme chrétienne, c'est-à-dire que j'en écris la vie et non pas l'éloge, pouvant dire d'ailleurs que ses défauts auraient été des vertus en beaucoup d'autres. » Or, vous entendez bien, Philothée, qu'il parle des âmes moins parfaites que sainte Paul, et en effet, il y a des actions que l'on condamne comme des imperfections en ceux qui sont parfaits, lesquelles seraient prises pour de grandes imperfections en ceux qui sont imparfaits. Ne dit-on pas que c'est un bon signe quand les jambes enflent un malade dans la convalescence, parce que l'on conjecture que la nature a pris assez de force pour rejeter les humeurs superflues? Mais cela même ferait un méchant pronostic dans un homme qui ne serait pas malade, parce que l'on jugerait que la nature n'aurait plus assez de force pour dissiper et résoudre les mauvaises humeurs. Philothée, ayez toujours une bonne opinion des personnes dans qui les vertus nous paraissent mêlées de quelques défauts, puisque plusieurs saints ne les ont pas eues sans ce mélange. Mais pour vous, tâchez de vous y perfectionner en accordant la prudence avec la fidélité, et pour cela tenez-vous bien à l'avis du sage qui nous avertit de ne pas nous confier en notre prudence et de la soumettre à celle des conducteurs que Dieu nous a donnés. Il y a bien des choses que l'on prend pour des vertus et qui ne le sont aucunement, et il est nécessaire que je vous en parle. Ce sont les extases ou ravissements, les insensibilités, les impassibilités, les unions déifiques, les élévations et transformations, et autres semblables perfections dont traitent de certains livres qui promettent d'élever l'âme jusqu'à la contemplation purement intellectuelle, à l'application essentielle de l'esprit et à la vie suréminente. Philothée. Ces perfections ne sont pas des vertus, mais leurs récompenses, ou bien plutôt des communications anticipées de la félicité éternelle, dont Dieu donne quelquefois le goût à l'homme pour lui en faire désirer la possession. Mais enfin, nous ne devons jamais prétendre de telles faveurs, parce qu'elles ne sont nullement nécessaires au service de Dieu, ni à son amour qui doit faire notre unique prétention. D'autant plus que ce ne sont pas ordinairement des grâces que nous puissions acquérir par notre application, l'âme recevant plutôt en tout cela les impressions de l'Esprit de Dieu, qu'elle n'y agit par ses opérations. J'ajoute que n'ayant point ici d'autre dessein que de devenir des hommes solidement dévots, des femmes véritablement pieuses, c'est à cela uniquement qu'il faut s'attacher. Et si Dieu veut nous élever jusqu'à ses perfections angéliques, nous serons encore de bons anges dans le monde. En attendant, appliquons-nous avec simplicité et humilité aux petites vertus dont notre Seigneur, par sa grâce, a attaché la conquête à nos faibles efforts, comme sont la patience, la débonnaireté, la mortification du cœur, l'humilité, l'obéissance, la pauvreté, la chasteté, la suavité envers le prochain, la patience à souffrir ses imperfections et la sainte ferveur. Laissons volontiers les suréminences à ces grandes âmes si élevées au-dessus de nous. Nous ne méritons pas un rang si haut dans la maison de Dieu. Trop heureux encore de nous voir au nombre de ses serviteurs les moins considérés et semblables à des petits et bas officiers de la maison du prince qui se font un honneur de leur charge, quelque vile et abjecte qu'elle soit. Ce sera au roi de la gloire, si bon lui semble, de nous faire entrer dans les secrets mystérieux de son amour et de sa sagesse. Notre consolation en tout ceci, Philothée, est que ce grand roi ne règle pas les récompenses de ses serviteurs sur la dignité de leurs offices, mais sur l'humilité et sur l'amour avec lequel il les exerce. Saoul, cherchant les ânes de son père, trouva le royaume d'Israël. Rebecca, abreuvant les chameaux d'Abraham, devint l'épouse de son fils. Ruth, glanant après les moissonneurs de Boaz et se couchant à ses pieds, devint son épouse. Certes, les prétentions si hautes que l'on a sur ces états extraordinaires de la perfection sont sujettes à beaucoup d'erreurs et d'illusions, et il arrive quelquefois que ceux qui pensent être des anges ne sont pas seulement des hommes aux yeux de Dieu, et il y en a plus en leur fait d'affection de paroles magnifiques que de solidité de pensée et d'action. Il ne faut pourtant rien mépriser ni censurer témérairement, mais en bénissant Dieu de la suréminence des autres, demeurons avec humilité dans notre voie, moins excellente mais plus proportionnée à notre petitesse, plus basse mais plus sûre, persuadés que si nous y marchons avec une humble fidélité, Dieu nous élèvera à des grandeurs qui passeront de beaucoup les plus grandes espérances. Fin du chapitre 2, troisième partie.